E esta reforma da lei do retorno dos imigrantes ilegais é mesmo a última pedra que faltava construir neste edifício e na reconstrução deste edifício. Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, pas toujours si traditionnelles comme à l'instant. Et vous êtes sur le 96.2 pour une heure, donc pour cette émission traditionnelle. Et c'est Violette en votre compagnie. Nous avons débuté avec un morceau qui s'appelait Noir, Noir comme une suite de branles de Noirmoutier, repris par Le Mangebal. Et c'était une suite de branles de Sébastien Bertrand et Christian Paché. On poursuit tout de suite avec la formation Green Lads. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'était la Saint-Patrick hier. Voici les Green Lads avec le titre Hivernal. De mars, il n'est pas trop difficile de trouver des idées pour faire des émissions. Il y a eu la Journée internationale du droit des femmes, il y a eu la Saint-Patrick, c'était hier, et puis le printemps qui arrive. Après ce titre hivernal proposé par Green Lads, voici la formation Ocean avec Crépuscule de printemps. Ma jolie dondaine, c'était par un soleil couchant. Oh bon bon, ma jolie nanon. Je m'en allais parmi les champs, gué gué, ma jolie dondaine. Bon bon, ma jolie nanon. Je m'en allais parmi les champs, mais la gué gué, ma jolie dondaine. Je m'en allais parmi les champs. Bon bon, ma jolie nanon. Bon bon, ma jolie nanon. l'aîné, la lune est trop haute pour nous divertir. La lune est trop haute pour nous divertir, le soleil est trop bas pour y travailler. Traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. Une fois par semaine, c'est l'occasion de retrouver les musiques traditionnelles ou presque, à danser, à chanter, à voyager. À l'instant, c'était une ridée citan qui nous permettait de danser, donc une danse de Bretagne. On revient vers les musiques irlandaises et celtiques pour fêter encore un petit peu la Saint-Patrick, puisque c'est pas si loin, c'était hier. Voici Urban Folk Quartet avec le titre Chalé au bus. Voilà, c'était la formation Urban Folk Quartet pour ce titre Jaleo Bus. On poursuit avec une formation française, la formation Goldridge, formation qui n'existe plus, qui a déjà quelques années, voire peut-être quelques dizaines d'années même. Voici The Funky Man of the House. Formation Goldridge, un groupe qui n'existe plus, mais qu'on peut avoir plaisir à réentendre. Voici maintenant une formation qui nous vient de Bretagne, avec un mélange entre la musique celtique et la musique nord-américaine. Voici la formation Talam et le titre Back to the Wood. Un groupe anglo-saxon qui s'est installé du côté de la Bretagne, les Church Fitters, avec toujours beaucoup d'énergie, c'était A Bunch of Five. Et on poursuit avec un groupe français, cette fois-ci, qu'on retrouve du côté de Limoges. Voici la formation Keltas et le titre Another Day. La formation Keltas était en notre compagnie. Et un petit tour du côté de la Bretagne. Maintenant, on reste dans les musiques celtiques, ou plus ou moins celtiques, mais on va laisser un petit peu l'Irlande, l'Écosse, le temps d'un morceau, le temps d'une valse. Alors, une valse qui n'est pas une valse douceur, mais une valse assez énergique, proposée par le duo Le Gall Carré, Moal, voilà, Tanguy Le Gall Carré et Erwan Moal pour ce titre Anne-Mi. Voilà, le lecteur CD est un petit peu fatigué et il n'a pas toujours envie de lire les morceaux correctement. Alors, merci de bien vouloir m'en excuser. On va poursuivre avec une autre danse après cette valse. Un bal de Ruys. Voilà, je ne sais pas danser le bal de Ruys. C'est pas une danse qui est dans mon répertoire. Mais peut-être que la formation phare Fahrenheit nous apprendra à le danser. On les retrouve deux samedis de suite. Alors, faut faire un petit peu de route. Pour ce samedi, il faut aller du côté de Courbevoie, en région parisienne. Et pour le samedi suivant, il faut aller à Chaumont-sur-Tarronne, dans le Loir-et-Cher. Tout ça, c'est toujours moins loin que la Bretagne. Voici la formation Fahrenheit, extrait de leur dernier album, Un bal de ruis, ça s'appelle Faux pas. J'ai fait 10 pas sur le chemin, et je n'ai toujours pas vu l'alouette. Et j'ai fait 10 pas sur le chemin, les alouettes sont cachées dans le foin, et ton petit chant me fait chavirer. Vous dites-moi que la chaleur arrive. J'ai fait 8 pas sur le chemin, et je n'ai toujours pas vu d'alouette. Et j'ai fait 8 pas sur le chemin, les alouettes sont cachées dans le foin, et ton petit chant me fait chavirer. Vous dites-moi que la chaleur arrive. J'ai fait 6 pas sur le chemin, et je n'ai toujours pas vu d'alouette. J'ai fait 6 pas sur le chemin, les alouettes sont cachées dans le vent, et ton petit chant me fait chavirer. Oh, dites-moi que la chaleur arrive. J'ai fait 4 pas sur le chemin, et je n'ai toujours pas vu d'alouette. J'ai fait 4 pas sur le chemin, les alouettes sont cachées dans le vent, et ton petit chant me fait chavirer. Oh, dites-moi que la chaleur arrive. J'ai fait 2 pas sur le chemin, et je n'ai toujours pas vu d'alouette. J'ai fait 2 pas sur le chemin, les alouettes sont cachées dans le vent, et ton petit chant me fait chavirer. Oh, dites-moi que la chaleur arrive. J'ai pleuré dans mon grenier, en attendant que tu viennes m'y voir. Et dans mon lit j'étais caché, en espérant que tu viennes m'y chercher. Couché dans l'odeur des nappes de fleurs, et quelques abeilles qui piquent nos cœurs. J'ai pleuré dans mon grenier, en attendant que tu viennes m'y voir. Et dans mon lit j'étais caché, en espérant que tu viennes m'y chercher. Couché dans l'odeur des nappes de fleurs, et quelques abeilles qui piquent nos cœurs. J'ai pleuré dans mon grenier, en attendant que tu viennes m'y voir. Et dans mon lit j'étais caché, en espérant que tu viennes m'y chercher. Couché dans l'odeur des nappes de fleurs, et quelques abeilles qui piquent nos cœurs. Voilà, c'était la formation Fahrenheit pour faire quelques pas de danse. On poursuit avec la formation Tano et le titre The Earth's Cry. make it for that time. Standing by the ocean, I hear a field's cry. She's a sick mother waiting for the final breakdown. Voilà, j'avais beaucoup diffusé à une époque quand le morceau était sorti, ce titre de Tano, The Earth Cry. Et en ce moment, elle crie beaucoup notre terre. On lui fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, si ça va s'améliorer. Mais en tout cas, il le faudrait. Voilà, on avance déjà dans cette programmation. Un petit mot sur la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, si vous suivez un petit peu l'actualité orléanaise, il y aura la foire exposition et votre radio, Radio Arc-en-Ciel, est partenaire cette année de la foire exposition, puisque l'exposition est consacrée à Lisbonne et Radio Arc-en-Ciel aura son stand tout près de l'exposition, donc consacrée à Lisbonne, à la foire exposition. Alors n'hésitez pas à aller retrouver les animateurs de votre radio à partir de samedi prochain du côté de la Foire Expo. Et pour ma part, j'y serai mercredi prochain à partir de 17h, un petit peu plus tôt que l'heure habituelle de l'émission, 17h, 18h30 la semaine prochaine. L'émission aura lieu depuis le stand de Radio Arc-en-Ciel à la Foire Exposition, et le stand sera en D26, voilà, si vous avez envie d'aller visiter l'expo et en même temps de venir jeter un petit coup d'œil au studio de Radio Arc-en-Ciel qui sera présent sur place. On poursuit avec The Greenings, Black is the Color, et on se retrouve dans quelques minutes pour quelques idées de sortie. The color of my true love's hair. His lips are like some roses fair. He has the sweetest smile and the gentlest hair. And I love the ground where I stand. I love my love and well he knows. I love the ground where all he stands. quelques idées de sorties dans votre émission traditionnelle, avec ce samedi 21 mars un petit bal pour les enfants suivi d'un bal trad en soirée avec Au Gré des Vents. Ce sera à Chanteau, 16h30 pour le petit bal pour les enfants et 20h30 je crois pour le bal pour les grands, et c'est avec la formation Au Gré des Vents. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du côté de Courbevoie, un grand fest-noz pour les 30 ans de l'association qui organise ces fest-noz à Courbevoie, et on y retrouvera Fahrenheit qu'on a écouté tout à l'heure et les mythiques Sonneriendu. Des balles en région centre, mais pas forcément sur la région orléanaise pour le week-end suivant. Il y a pas mal de choses. Un bal trad avec Nostrad à Châteauneuf-sur-Cher. C'est dans le Cher. Voilà, c'est un petit peu loin. Un bal de la Saint-Patrick à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. Et puis, le bal de printemps où on retrouve à nouveau la formation Fahrenheit et le duo du rêve Congrégat. C'est à Chaumont-sur-Taronne dans le Loir-et-Cher. Et c'est à partir de 21h, une organisation de l'UCPS. Et dans le Loiret, bal avec la Godille pour le festival Les Petits Pas dans les Grands. C'est à Saint-Maurice-sur-Fessard et ce sera les 28 et 29 mars pour ce festival. Super Parquet et la Ciguë à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Ce sera le 4 avril à l'occasion de la sortie de l'album du groupe La Ciguë. Et pas de crainte, vous aurez prochainement des titres de cet album néo-trad. Voilà, c'est assez assez contemporain pour cette formation La Ciguë. Voilà, il est déjà à la maison l'album, et je vous en proposerai quelques titres très prochainement. Et je vous le rappelle, la semaine prochaine, l'émission commencera à 17h. C'est un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. Alors, si vous écoutez dans votre poste de radio, mettez bien le poste à 17h. Et si vous avez envie de voir le studio éphémère de Radio Arc-en-Ciel, eh bien, allez faire un petit tour à la foire exposition d'Orléans. L'entrée est gratuite. Vous pourrez voir l'exposition consacré à Lisbonne et puis faire peut-être quelques petits pas de danse et voyager. Je vous emmènerai un petit peu dans les contrées ibériques, voilà, Espagne, Portugal pour la semaine prochaine pour cette émission spéciale qui aura lieu au parc exposition. Non, plutôt à Comet. Voilà, j'ai pas vraiment évoluer avec le temps. Maintenant, c'est à Comet. On va se quitter très très bientôt. Je vous propose de retrouver un titre pour les enfants. Je vous ai parlé d'un bal pour enfants ce samedi. Eh bien, Ballet de Sorcières proposait à une époque un bal pour les enfants. Voici le bouquet de printemps. est géant. Deux, trois myosotis, cinq, six coquelicots, je les ai trouvés très beaux. Je les ai cueillis en faisant bien attention. J'ai fermé les yeux, ça sentait comme des bonbons. Comme j'étais content, je suis allé voir maman, lui ai offert mon bouquet. Elle m'a embrassé et pour me remercier, elle l'a déposé dans un vase sur le buffet de la salle à manger. Et puis le temps a passé, mon bouquet s'est tout fané. Alors je me suis dit, mince, c'est mercredi et j'aimerais bien retourner dans ce joli bois avec mon papa pour qu'il y revienne avec moi. S'il me dit comme ça, je n'ai pas le temps, mon petit gars. J'ai plein de choses à faire, demande plutôt à ta mère. Je lui dirai, papa, veux-tu donc t'occuper de moi? Viens faire un tour dans les bois. Je suis pas très malin, mais j'ai compris ce matin que les fleurs, papa, faut les laisser dans les bois. Pour en profiter, il suffit d'aller se promener, pas la peine de les couper. Sur cette jolie chanson de printemps, j'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine du côté de la foire exposition, et ce sera à partir de 17h ou sur votre poste bien entendu, ou sur l'ordinateur. Et pour se quitter aujourd'hui, The Parting Glass, le verre qui sert à célébrer le moment où on se quitte, avec la formation Tourangelle Guilise. Excellente soirée à vous et à très bientôt. That ever I have spent it in good company, and all the harm that ever I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So the parting glass, good night and joy be with you. excellente soirée à vous. Votre soirée se poursuit avec les programmes de RDP International. Mas há uma coisa que eu posso dizer, é que de facto aquilo que nós reivindicámos foi de que os bombeiros, as associações humanitárias e bombeiros voluntários não ficassem esquecidas se houvesse alguma medida para qualquer